le drive de l'ampli, tu le mets à 5-6. Déjà, ça sonne bien clair là. Gain 5, c'est clair là. Monte le gain, monte encore le gain. Puis tu tirais ta guitare sur 6-7. Tu mets pas complètement le potard à fond. Faut que tu aies un son clair. Et quand tu mettras le potard à fond, faut que ça sature. Et là, il y a trop de basses. Tu coupes les basses. T'as des basses médium aiguës. Les médiums, tu peux les monter. Ça, moi, ils sont à fond sur mon pod. Et les basses, je les coupe, je les mets à un quart. Faut que la basse, elle sonne bien, quoi. Là, ça sonne clair, là. Tu dois passer de saturé à clair. Ça, c'est un bon réglage. Entre 6 et 10. Alors moi j'ai le médium à fond parce que Fender ça chante dans les aigus et les médiums. Et ben moi je mets les médiums à fond, ça permet de cruncher encore plus. Le bouton de médium sur le préampli tu le fous à fond. Tu coupes les basses parce que tes basses là sont pourraves et si tu les montes trop fort, c'est pas beau. Faut qu'on entende bien le son métallique de la corde grave. Et les aigus, bah c'est à ton oreille, tu règles les aigus à ton oreille. Choix de son, tiens, je vais remettre le truc que je faisais, c'est Santana, lui il va jouer dessus, tu vas entendre comment ça sonne sa guitare. Lui c'est une Ibanez, mais il y a les micros simples, ça sonne comme une Fender. Hein. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.